Rêve de grandeur démesurée, abus de pouvoir, crime, cruauté, folie. La figure du tyran antique, Néron, Caligula, Héliogabal, les autres, a marqué d'une profonde empreinte non seulement la réalité historique, mais aussi les textes des auteurs, des gréco-latins à ceux du Moyen-Âge et de la Renaissance, et qui ont forgé un imaginaire encore prégnant dans nos représentations contemporaines. Et le pouvoir, disait Alain, le pouvoir aussitôt marqué de folie dès qu'on y croit, Caligula est de demain si nous le permettons. Avec Camus, l'homme est seul sous un ciel muet, l'absurdité du monde est tragique, la révolte fervente est pour lui une tâche de l'existence quotidienne. Des 12 tyrans, portraiturés par Suétone, Caligula était le plus intelligent. Son Caligula, pour éprouver sa liberté, pousse celle-ci jusqu'à l'absurde. Les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos sont des notions vécues pour moi. Je veux dire qu'au fond, je parle de ce que tout le monde connaît, dit Camus. Et Camus de se prendre peu à peu de sympathie pour un personnage, Hélicon, lequel a vu sa carrière dans la pièce renforcée. Il tient en effet, comme on va le voir, un rôle comparable à celui du cœur dans la tragédie antique. En 1958, la scène du Nouveau Théâtre de Paris en fit une sorte de « bijou raffiné », selon l'expression de l'auteur. Produit par Maurice Bertrand, secrétaire général du Théâtre Populaire, juin 1944, réalisé par Roger Dattis, voici Caligula d'Albert Camus, tel qu'interprété en 1951 pour la radio par Michel Bouquet, Caligula, Lucienne Boguer, Hubert Prelier, Pierre Reynal, Jean Bollot, Charles Lemarchand, Jacques Berlioz, Marcel Alba, Philippe Hersan, Louis Perdoux, Georges Paulet, Albert Gercourt et André Gire en récitante. Dans une des salles du palais de Caligula, des patriciens sont réunis. Toujours rien. Rien le matin, rien le soir. Rien. Depuis 3 jours. Les courriers partent, les courrières viennent. Ils secouent la tête et disent rien. Toute la campagne est battue, il n'y a rien à faire. Pourquoi s'inquiéter à l'avance? Attendons. Il reviendra peut-être comme il est parti. Je l'ai vu sortir du palais. Il avait un regard étrange. J'étais là aussi et je lui ai demandé ce qu'il avait. A-t-il répondu? Un seul mot. Rien. Ah, c'est inquiétant. Allons, tous les jeunes gens sont ainsi. Bien entendu, l'âge efface tout. Vous croyez? Souhaitons qu'il oublie. Ah, bien sûr. Une de perdue, 10 de retrouvée. Où prenez-vous qu'il s'agisse d'amour? Et de quoi d'autre? De toute façon, heureusement, les chagrins ne sont pas éternels. Êtes-vous capable de souffrir plus d'un an? Moi, non. Personne n'a ce pouvoir. La vie serait impossible. Vous voyez bien. Tenez, j'ai perdu ma femme l'an passé. Ah, j'ai beaucoup pleuré. Et puis, j'ai oublié. De temps en temps, j'ai de la peine. Mais en somme, ce n'est rien. La nature fait bien les choses. Eh bien, Kéréa. Toujours rien. Allons, ne nous affolons pas. Oh oui. Ne nous affolons pas. C'est l'heure du déjeuner. C'est juste, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Je n'aime pas cela. Mais tout allait trop bien, cet empereur était parfait. Eh oui, il était comme il faut, scrupuleux et sans expérience. Mais au fait, qu'avez-vous et pourquoi ces lamentations? Rien ne l'empêche de continuer. Il aimait Drusilla, c'est entendu. Mais elle était sa sœur, en somme. Coucher avec elle, c'était déjà beaucoup. Mais bouleverser Rome parce qu'elle est morte, ça dépasse les bornes. Il n'empêche, je n'aime pas cela et cette fuite ne me dit rien. Ah oui, il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, la raison d'État ne peut admettre un inceste qui prend l'allure des tragédies. L'inceste, soit, mais discret. Mais qui vous dit qu'il s'agisse de Drusilla? Et de qui donc alors? Mais de personne ou de rien. Quand toutes les explications sont possibles, il n'y a vraiment pas de raison de choisir la plus banale et la plus belle. Alors, Scipion? Encore rien. Ah. Des paysans ont cru le voir dans la nuit d'hier, près d'ici, courant à travers l'orage. Cela fait bien 3 jours, Scipion. Oui. J'étais présent, le suivant comme de coutume. Il s'est avancé vers le corps de Drusilla. Il l'a touché avec 2 doigts. Puis il a semblé réfléchir, tournant sur lui-même. Et il est sorti d'un pas égal. Depuis, on court après lui. Ce garçon aimait trop la littérature. Ah, c'est de son âge. Mais ce n'est pas de son rang. Un empereur artiste, ce n'est pas concevable. Nous en avons eu un ou deux, naturellement, bien entendu, il y a des brebis galeuses partout. Mais les autres ont eu le bon goût de rester des fonctionnaires. C'était plus reposant. Bah, chacun son métier. Bah, que peut-on faire, Kéréa? Rien. Attendons. S'il ne revient pas, il faudra le remplacer. Entre nous, les empereurs ne manquent pas. Non, nous manquons seulement de caractère. Et s'il revient mal disposé? Ma foi, c'est encore un enfant. Nous lui ferons entendre raison. Et s'il est sourd au raisonnement? Eh bien, n'ai-je pas écrit dans le temps un traité du coup d'État? Bien sûr, s'il le fallait. Mais j'aimerais mieux qu'on me laisse à mes livres. Je vous demande pardon. Permettez. Il est offusqué. C'est un enfant. Les jeunes gens sont solidaires. Oh, cela ne fait rien. On a vu Caligula dans le jardin du palais. Oh, oh, on a vu Ils sont tous sortis. Caligula entre alors furtivement. Il a l'air égaré. Il est sale. Il avance vers le miroir et s'arrête dès qu'il aperçoit sa propre image. Puis il va s'asseoir. Les bras pendants entre les genoux écartés. Hélicon entre, apercevant Caligula, il s'arrête et l'observe. Caligula se retourne et le voit. Bonjour, Caius. Bonjour, Hélicon. Tu sembles fatigué. J'ai beaucoup marché. Oui, ton absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais. Et que voulais-tu? La lune. Quoi? Oui, je voulais la lune. Ah. Et pourquoi faire? Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé? Non, je n'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Hélicon. Oui, Caius. Tu penses que je suis fou? Tu sais bien que je ne pense jamais. Oui, enfin, mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. Il est vrai, mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient, mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que l'histoire pour la mort d'une femme, mais ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte, mais qu'est-ce que l'amour, peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Et qu'est-ce donc que cette vérité? Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Oh, long, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Alors c'est que tout autour de moi est mensonge, et moi je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité, car je sais ce qui leur manque, les cons. Ils sont privés de la connaissance, et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais te reposer. Ce n'est pas possible, les cons. Ça ne sera plus jamais possible. Et pourquoi donc? Si je dors, qui me donnera la lune? Cela est vrai. Écoutez, les cons, j'entends des pas et des bruits de voix. Garde le silence et oublie que tu viens de me voir. J'ai compris. Et s'il te plaît, aide-moi désormais. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Caius. Mais je sais peu de choses, et peu de choses m'intéressent. À quoi donc puis-je t'aider? À l'impossible. Je ferai pour le mieux. Il n'y a personne. Ne l'as-tu pas vu, Hélicon? Non. Hélicon, ne t'a-t-il vraiment rien dit avant de s'échapper? Mais je ne suis pas son confident. Je suis son spectateur, c'est plus sage. Je t'en prie. Cher Caesonia, Caius est un idéaliste, tout le monde le sait. Il suit son idée, voilà tout. Et personne ne peut prévoir où elle le mènera. Mais vous permettez, c'est l'heure de déjeuner. Un garde l'a vu passer. Mais Rome tout entière voit Caligula partout. Et Caligula, en effet,

il y a du vrai dans cette opinion, n'est-ce pas, vous autres? Oh, Caligula est un fin psychologue. Il nous a parlé avec éloquence du courage. Et il devrait résumer toutes ses idées. Ça serait inestimable. Sans compter que cela l'occuperait, car il est visible qu'il a besoin de distraction. Vous serez ravis de savoir qu'il y a pensé, qu'il écrit en ce moment un grand traité. Muscus, je te rends ta femme. Mais pardonnez-moi, quelques instructions à donner. Ce grand traité égalera les plus célèbres, monsieur, nous n'en doutons pas. Et de quoi parle-t-il, Caesonia? Oh, cela me dépasse. Il faut donc conclure que cela traite du pouvoir meurtrier de la poésie. Tout juste, je crois. Eh bien, cela l'occupera, comme disait Kyria. Oui, ma jolie. Mais ce qui vous gênera sans doute un peu, c'est le titre de cet ouvrage. Quel est-il? Le glaive. Pardonnez-moi, mais les affaires de l'État sont pressantes. Intendant, tu feras fermer les greniers publics. Je viens de signer le décret, tu le trouveras dans la chambre. Oui, mais... Demain, il y aura famine. Mais le peuple va gronder. Je dis qu'il y aura famine demain. Tout le monde connaît la famine, c'est un fléau. Demain, il y aura fléau. Et j'arrêterai le fléau quand il me plaira. Après tout, je n'ai pas tellement de façon de prouver que je suis libre. On est toujours libre aux dépens de quelqu'un, c'est ennuyeux, mais c'est normal. Appliquez cette pensée à la jalousie et vous verrez. Tout de même, comme c'est laid d'être jaloux. N'est-ce pas, monsieur? Souffrir par vanité et par imagination, voir sa femme... Mangeons, messieurs. Savez-vous que nous travaillons ferme avec Hélicon? Nous mettons au point un petit traité de l'exécution dont vous nous donnerez des nouvelles. À supposer qu'on vous demande votre avis. Soyons généreux, Hélicon, découvrons-leur nos petits secrets. Allez, section 3, paragraphe 1er. L'exécution soulagée des livres, elle est universelle, fortifiante et juste dans ses applications comme dans ses intentions. On meurt parce qu'on est coupable. On est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula, dont tout le monde est coupable. D'où il ressort que tout le monde meurt, c'est une question de temps et de patience. Qu'en pensez-vous? La patience, hein? Voilà une trouvaille. Voulez-vous que je vous dise? C'est ce que j'admire le plus en vous. Maintenant, messieurs, vous pouvez disposer. Kyria n'a plus besoin de vous. Cependant que Caesonia reste, et Lépidus, Myria aussi. Je voudrais discuter avec vous de l'organisation de ma maison publique, elle me donne de gros soucis. À tes ordres, Caius, qu'est-ce qui ne va pas? Le personnel est-il mauvais? Non, mais les recettes ne sont pas bonnes. Il faut augmenter les tarifs. Myria, tu viens de perdre une occasion de te taire. Étant donné ton âge, ces questions ne t'intéressent pas et je ne te demande pas ton avis. Alors, pourquoi m'as-tu fait rester? Parce que tout à l'heure, j'aurais besoin d'un avis sans passion. Si je puis, Caius, en parler avec passion, je dirais qu'il ne faut pas toucher aux tarifs. Mais naturellement, voyons. Mais il faut nous rattraper sur le chiffre d'affaires. J'ai déjà expliqué mon plan à Caesonia qui va vous l'exposer, moi. J'ai trop bu de vin. Je commence à avoir sommeil. C'est fort simple. Caligula crée une nouvelle décoration. Je ne vois pas le rapport. Il y est pourtant. Cette distinction constituera l'ordre du héros civique. Elle récompensera ceux des citoyens qui auront le plus fréquenté la maison publique de Caligula. C'est lumineux. Je le crois. J'oubliais de dire que la récompense est décernée chaque mois après vérification des bons d'entrée. Le citoyen qui n'a pas obtenu de décoration au bout de 12 mois est exilé. Ou exécuté. Et pourquoi? Ou exécuté? Parce que... Caligula dit que cela n'a aucune importance, l'essentiel est qu'il puisse choisir. Bravo! Le trésor public est aujourd'hui renfloué. Que bois-tu, Myria? C'est pour mon asthme, Caius. Non, c'est un contrepoison. Mais non, Caius, tu veux rire. J'étouffe dans la nuit et je me soigne depuis fort longtemps déjà. Ainsi, tu as peur d'être empoisonné? Mon asthme... Non! Appelons les choses par leur nom. Tu crains que je ne t'empoisonne. Tu me soupçonnes. Tu m'épouses. Mais non, par tous les dieux. Tu me suspectes. En quelque sorte, tu te défies de moi. Réponds-moi. Si tu prends un contrepoison, tu me prêtes par conséquent l'intention de t'empoisonner. Oui, je veux dire non. Et dès l'instant où tu crois que j'ai pris la décision de t'empoisonner, tu fais ce qu'il faut pour t'opposer à cette volonté. Cela fait deux crimes. Et une alternative dont tu ne sortiras pas. Ou bien je ne voulais pas te faire mourir et tu me suspectes injustement, moi, ton empereur. Ou bien je le voulais et toi, insecte, tu t'opposes à mes projets. Hein, Myria? Que dis-tu de cette logique? Elle est rigoureuse, Caius, mais elle ne s'applique pas au cas... Et troisième crime, tu me prends pour un imbécile. Assieds-toi et écoute-moi bien. Asseyez-vous tous. De ces trois crimes, un seul est honorable pour toi, le second, parce que dès l'instant où tu me prêtes une décision et la contrecarre, Cela implique une révolte chez toi. Tu es un meneur d'hommes, un révolutionnaire. Oh, cela est bien. Je t'aime beaucoup, Mireia. C'est pourquoi tu seras condamné pour ton second crime et non pour les autres. Tu vas mourir virilement pour t'être révolté. Oh, voyons, mais... Ne me remercie pas, c'est tout naturel. Tiens, bois ce poison. Non. Allons. Je ne peux pas, non. Allons. Non. Bois. Non. Bois. Non. Qu'est-ce que c'est? Que buvait-il, un contrepoison? Non, Caligula, c'est un remède contre l'asthme. Cela ne fait rien, ça revient au même. Un peu plus tôt, un peu plus tard. À tout à l'heure. Ah, et que faut-il faire? D'abord retirer le corps, je crois, il est trop laid. Il faudra faire vite. Les guerriers, allons, aide-moi. D'être dessous. Viens ici, Scipion. Que veux-tu? Approche. Il a tué ton père? Oui. Tu le hais? Oui. Tu veux le tuer? Oui. Alors pourquoi me le dis-tu? Parce que je ne crains personne. Le tuer ou être tué, c'est deux façons d'en finir. D'ailleurs, tu ne me trahiras pas. Tu as raison, je ne te trahirai pas. Mais je veux te dire quelque chose. Ou plutôt, je voudrais parler à ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce que j'ai de meilleur en moi, c'est ma haine. Écoute-moi seulement. C'est une parole à la fois difficile et évidente que je veux te dire. Mais c'est une parole qui, si elle était vraiment écoutée, accomplirait la seule révolution définitive de ce monde. Alors dis-la. Non, pas encore. Pense d'abord au visage révulsé de ton père, à qui on arrachait la langue. Pense à cette bouche pleine de sang et à ce cri de bête torturée. Oui. Pense maintenant à Caligula. Oui. Écoute maintenant. Essaie de le comprendre. Je te laisse. Scipion, Caligula me suit. Si vous alliez manger, prêt. Hélicon, aide-moi! Oh, c'est dangereux, ma colombe, et je n'entends rien à la poésie. Tu pourrais m'aider, tu sais beaucoup de choses. Je sais que les jours passent et qu'il faut se hâter de manger. Je sais aussi que tu pourrais tuer Caligula et qu'il ne le verrait pas d'un mauvais œil. Mais le voici, je n'ai plus rien à faire ici. Ah, c'est toi, Scipion. Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris toujours? Est-ce que tu peux me montrer tes dernières pièces? J'ai écrit des poèmes, César. Sur quoi? Je ne sais pas, César. Sur la nature, je crois. Beau sujet. Et vaste. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nature? Elle me console de n'être pas César. Ah. Et crois-tu qu'elle pourrait me consoler de l'être? Ma foi, elle a guéri des blessures plus graves. Blessures? Tu dis cela avec méchanceté. Est-ce parce que j'ai tué ton père? Si tu savais pourtant comme le mot est juste. Blessures. Il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents. J'ai répondu à ta question sur la nature. Récite-moi ton poème. Je t'en prie, César, non. Pourquoi? Je ne l'ai pas sur moi. Ne t'en souviens-tu pas? Non. Dis-moi du moins ce qu'il contient. J'y parlais d'un certain accord. De la terre et du pied? Oui. C'est à peu près cela. Et aussi de la ligne des collines romaines et de cet apaisement fugitif et bouleversant qui ramène le soir. Du cri des martinets dans le ciel vert? Oui, encore. Et de cette minute subtile où le ciel encore plein d'or brusquement bascule et nous montre en un instant son autre face, gorgée d'étoiles luisantes. de cette odeur de fumée d'arbres et d'eau qui monte alors de la terre vers la nuit. Le cri des cigales et la retombée des chaleurs. Les chiens, les roulements des derniers chars, les voix des fermiers. Et les chemins noyés d'ombre dans les lentisques et les oliviers. Oui. Oui, c'est tout cela. Mais comment l'as-tu appris? Je ne sais pas. Peut-être parce que nous aimons les mêmes vérités. Oh, qu'importe, puisque tout prend en moi le visage de l'amour. C'est la vertu des grands cœurs, Scipion. Si du moins je pouvais connaître ta transparence. Mais je sais trop la force de ma passion pour la vie. Elle ne se satisfera pas de la nature. Tu ne peux pas comprendre cela. Tu es d'un autre monde. Tu es pur dans le bien comme je suis pur dans le mal. Je peux comprendre. Non. Ce quelque chose en moi, ce lac de silence. Ces herbes pourries. Ton poème doit être beau. Mais si tu veux mon avis... Oui. Tout cela manque de sang. Oh. Le monstre! L'affreux monstre! Tu as encore joué. Tu viens de jouer, hein, tu es content de toi. Il y a du vrai dans ce que tu dis, j'ai joué. Quel cœur puant et ensanglanté tu dois avoir. Oh, comme tant de mal et de haine doivent te torturer. Tais-toi maintenant. Comme je te plains, comme je te hais. Tais-toi! Et quelle immonde solitude doit être la tienne. La solitude, tu la connais, toi, la solitude? Celle des poètes et des impuissants, la solitude, mais laquelle? Tu ne sais pas que seul, on ne l'est jamais. Et que partout, le même poids d'avenir et de passé nous accompagne, des êtres qu'on a tués sont avec nous. Et pour cela, ce sera encore facile, mais ceux qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés, qui vous ont aimés, les regrets, le désir, l'amertume et la douceur, les putains et la clique des dieux, seuls! Ah, si du moins, au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie, le silence et le tremblement d'un arbre. La solitude, mais non, Scipion. Elle est peuplée de grincements de dents et tout entière retentissante de bruit et de clameurs perdues. Et près des femmes que je caresse quand la nuit se referme sur nous et que je crois, éloignée de ma chair, enfin contentée, saisir un peu de moi entre la vie et la mort. Ma solitude entière s'emplit de l'aigre odeur du plaisir aux aisselles de la femme qui sombre encore à mes côtés. Tous les hommes ont une douceur dans la vie. Cela les aide à continuer. C'est vers elles qu'ils se retournent quand ils se sentent trop usés. C'est vrai, Scipion. N'y a-t-il donc rien dans la tienne qui soit semblable? L'approche des larmes, un refuge silencieux. Si, pourtant. Et quoi donc? Le mépris. Une sorte de parade foraine. Au centre, une tenture devant laquelle, sur une petite estrade, se trouvent Hélicon et Quesonia, les cymbalistes de chaque côté. Assis sur des sièges devant l'estrade, quelques patriciens et le jeune Scipion. Approchez, approchez! Une fois de plus, les dieux sont descendus sur terre. Caius, César et Dieu, surnommé Caligula, leur a prêté sa forme toute humaine. Approchez, grosse qui est mortelle! Le miracle sacré s'opère devant vos yeux. Par une faveur particulière au règne béni de Caligula, les secrets divins sont offerts à tous les yeux. Approchez, messieurs. Adorez, donnez votre bol. Le mystère sacré est mis aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. L'Olympe et ses coulisses, ses intrigues, ses pantoufles et ses larmes. Approchez, approchez, toute la vérité sur vos dieux. Adorez, donnez votre bol. Approchez, messieurs, la représentation va commencer. Une reconstitution impressionnante de vérité, une réalisation sans précédent. Les décors majestueux de la puissance divine ramenés sur terre. Une attraction sensationnelle et démesurée. Le vent. Le tonnerre. Le destin lui-même dans sa marche triomphale. Approchez et contemplez. Aujourd'hui, je suis Vénus. L'adoration commence. Prosternez-vous et répétez avec moi la prière sacrée à Caligula, Vénus.

et noie dans le sang ta divinité d'un moment. Scipion. Laisse, Caisonia. Tu ne crois pas si bien dire, Scipion, j'ai fait le nécessaire. J'imagine difficilement le jour dont tu parles, mais j'en rêve quelquefois. Et surtout les visages qui s'avancent alors du fond de la nuit amère, dans leurs traits tordus par la haine et l'angoisse. Je reconnais en effet avec ravissement le seul Dieu que j'ai adoré en ce monde, misérable et lâche comme le cœur humain. Et maintenant, va-t'en. Tu en as beaucoup trop dit. J'ai encore les doigts de mes pieds à rougir. Cela presse. Hélicon. Qu'y a-t-il? Ton travail avance. Quel travail? Eh bien, la lune. C'est une question de patience, mais je voudrais te parler. J'aurai peut-être de la patience, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut faire vite, Hélicon. Je te l'ai dit, je ferai pour le mieux, mais auparavant, j'ai des choses graves à t'apprendre. Remarque que je l'ai déjà eu. Qui? La lune. Oui, naturellement. Mais sais-tu qu'on complote contre ta vie? Je l'ai eu tout à fait, mais... Deux ou trois fois seulement, il est vrai, mais tout de même, je l'ai eu. Voilà bien longtemps que j'essaie de te parler. C'était l'été dernier. Depuis le temps que je la regardais et que je la caressais sur les colonnes du jardin, elle avait fini par comprendre. C'est sans ce jeu, Caius. Si tu ne veux pas m'écouter, mon rôle est de parler quand même. Tant pis si tu ne m'entends pas. Ce vernis ne vaut rien. Mais pour en revenir à la lune, c'était pendant une belle nuit d'août. Elle a fait quelque façon. J'étais déjà couché. Elle était d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon. Puis elle a commencé à monter de plus en plus légère, avec une rapidité croissante. Plus elle montait, plus elle devenait claire. Elle est devenue comme un lac d'eau laiteuse au milieu de cette nuit pleine de froissements d'étoiles. Elle est arrivée dans la chaleur, douce, légère et nue. Elle a franchi le seuil de la chambre et avec sa lenteur sûre, est arrivée jusqu'à mon lit, s'y est coulée, et m'a inondée de ses sourires et de son éclat. Décidément, ce vernis ne vaut rien. Mais tu vois, Hélicon, je puis dire sans me vanter que je l'ai eu. Veux-tu m'écouter et connaître ce qui te menace? Je veux seulement la lune, Hélicon. Je sais d'avance ce qui me tuera. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre. C'est pourquoi je veux la lune. Et tu ne reparaîtras pas ici avant de me l'avoir procurée. Alors je ferai mon devoir et je dirai ce que j'ai à dire. Un complot s'est formé contre toi. Kéria en est le chef. J'ai surpris cette tablette qui peut apprendre l'essentiel. Je la dépose ici. Où vas-tu, Hélicon? Te chercher la lune. Tu permets, Caius? Eh bien, entre. Alors, ma jolie, on vient revoir Vénus? Non, non, c'est pas ça. Chut, Oh. Pardon, Caius. Non, je veux dire, tu sais que je t'aime beaucoup. Ah, puis je ne demande qu'à finir mes vieux jours dans la tranquillité. Poisson, poisson. Et enfin, c'est très grave, voilà tout. Non, c'était pas grave. Mais quoi donc, Caius? Mais de quoi parlons-nous, mon amour? Ben, c'est-à-dire que... Un complot contre toi. Mais tu vois bien, c'est ce que je disais, ce n'est pas grave du tout. Non, mais Caius, ils veulent te tuer. Sais-tu pourquoi je ne puis pas te croire? Oh, mais par tous les dieux, Caius! Ne jure pas, surtout ne jure pas. Écoute plutôt. Si ce que tu dis était vrai, il me faudrait supposer que tu trahis tes amis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Caius, que mon amour pour toi... Et je ne puis pas supposer cela. J'ai tant détesté la lâcheté que je ne pourrais jamais me retenir de faire mourir un traître. Je sais bien ce que tu vaux, moi, et assurément, tu ne voudras ni trahir, ni mourir. Assurément, Caius, assurément. Tu vois donc que j'avais raison de ne pas te croire. Tu n'es pas un lâche, n'est-ce pas? Oh, non. Ni un traître. Oh, ça me semble. Et par conséquent, il n'y a pas de complot. Dis-moi, ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie, une simple plaisanterie. Personne ne veut me tuer, cela est évident. Mais personne, bien sûr, personne. Alors disparais, ma jolie. Un homme d'honneur est un animal si rare en ce monde que je ne pourrais pas en supporter la vue trop longtemps. Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment. Garde! Amène Kéria. Un moment. Avec des égards. Tu avais décidé d'être logique. Idiot. Il s'agit seulement de savoir jusqu'où cela ira. Si l'on t'a apporté la lune, tout serait changé, n'est-ce pas? Il y a de moins en moins de monde autour de moi, c'est curieux. Trop de morts, cela dégarnit. Même si l'on m'apportait la lune, je ne pourrais pas revenir en arrière.

tu aies besoin de preuves pour faire mourir un homme. Il est vrai, mais pour une fois, je veux me contredire. Cela, une jeune personne, et c'est si bon de se contredire de temps en temps. Cela repose. J'ai besoin de repos, Kéria. Je ne comprends pas et je n'ai pas de goût pour ces complications. Bien sûr, Kéria, tu es un homme sain, toi. Tu ne désires rien d'extraordinaire. Tu veux vivre et être heureux, seulement cela. Je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Pas encore, un peu de patience, veux-tu? J'ai là cette preuve, regarde. Je veux considérer que je ne peux vous faire mourir sans elle. C'est mon idée. Et c'est mon repos. Eh bien, vois ce que deviennent les preuves dans la main d'un empereur. Tu vois, conspirateur, cette tablette fond. Et à mesure que la flamme la détruit, c'est un matin d'innocence qui se lève sur ton visage. L'admirable front pur que tu as, Kéria. Que c'est beau, un innocent, que c'est beau. Admire ma puissance. Les dieux eux-mêmes ne peuvent pas rendre l'innocence sans auparavant punir, et ton empereur n'a besoin que d'une flamme pour t'absoudre et t'encourager. Continue, Kéria. Poursuis jusqu'au bout le magnifique raisonnement que tu m'as tenu. Ton empereur attend son repos. C'est sa manière à lui de vivre et d'être heureux. Que me veux-tu, Kéréa ? Le temps presse, Scipion. Nous devons être fermes sur ce que nous allons faire. Qui te dit que je ne suis pas ferme ? Tu n'es pas venu à notre réunion d'hier. C'est vrai, Kéréa. Scipion, je suis plus âgé que toi, je n'ai pas coutume de demander du secours. Mais il est vrai que j'ai besoin de toi. Ce meurtre demande des répondants qui soient respectables. Au milieu de ces vanités blessées et de ces ignobles peurs, il n'y a que toi et moi dont les raisons soient pures. Je sais que si tu nous abandonnes, tu ne trahiras rien. Mais cela est indifférent. Ce que je désire, c'est que tu restes avec nous. Je te comprends. Mais je te jure que je ne le puis pas. Es-tu donc avec lui ? Non. Mais je ne puis être contre lui. Si je le tuais, mon cœur, du moins, serait avec lui. Il a pourtant tué ton père. Oui. C'est là que tout commence. Mais c'est là aussi que tout finit. Il nie ce que tu avoues. Il bafoue ce que tu vénères. C'est vrai, Kéréa. Mais quelque chose en moi lui ressemble pourtant. La même flamme nous brûle le cœur. Il est des heures où il faut choisir. Moi, j'ai fait taire en moi tout ce qui pouvait lui ressembler. Je ne puis pas choisir, puisqu'en plus de ce que je souffre aussi de ce qu'il souffre. Mon malheur est de tout comprendre. Alors, tu choisis de lui donner raison. Oh, je t'en prie, Kéréa. Personne, plus personne pour moi n'aura jamais raison. Sais-tu que je le hais plus encore pour ce qu'il a fait de toi ? Oui. Il m'a appris à tout exiger. Non, Scipion. Il t'a désespéré. Et désespérer une jeune âme est un crime qui passe tous ceux qu'il a commis jusqu'ici. Je te jure que cela suffirait pour que je le tue avec emportement. Je te cherchais, Kéria. Caligula organise ici une petite réunion amicale. Il faut que tu l'attendes. Mais on n'a pas besoin de toi, Scipion. Tu peux partir. Kéréa. Oui, Scipion. Essaie de comprendre. Non, Scipion. Mais enfin, que nous veut-on à cette heure de la nuit ? Assieds-toi là. S'il s'agit de nous faire mourir comme les autres, il n'y a pas besoin de tant d'histoires. Assieds-toi là, vieux mulet. Asseyons-nous. Cet homme ne sait rien, c'est visible. Oui, ma jolie, c'est visible. Il fallait agir vite, je le savais. Maintenant, c'est la torture qui nous attend. De quoi s'agit-il ? La conjuration est découverte, oui. Ensuite ? C'est la torture. Je me souviens que Caligula a donné 80 000 sesterces à un esclave voleur que la torture n'avait pas fait avouer. Nous voilà bien avancés. Non, mais c'est une preuve qu'il aime le courage. Et vous devriez en tenir compte. Ça ne te ferait rien de ne pas claquer des dents ainsi. J'ai ce bruit en horreur. Mais c'est que... Allons, assez d'histoire, c'est notre vie que nous jouons. Connaissez-vous le mot favori de Caligula ? Oui, il le dit au bourreau. Tue-le lentement pour qu'il se sente mourir. Non, c'est mieux. Après une exécution, il bâille et dit avec sérieux « Ce que j'admire le plus, c'est mon insensibilité. » Et vous entendez ces bruits d'armes ? Ce mot-là révèle un faible. Ça ne te ferait rien de ne pas faire de philosophie, mais je l'ai en horreur. Reconnaissons au moins que cet homme exerce une indéniable influence. Il force à penser, il force tout le monde à penser. L'insécurité, voilà ce qui fait penser. Et c'est pourquoi tant de haine le poursuit. Regarde ses armes. Tu avais peut-être raison. Il fallait faire vite. Nous avons trop attendu. Oui. C'est une leçon qui vient un peu tard. Oh, mais c'est insensé. Moi, je ne veux pas mourir, moi. Oh, c'est insensé. Soudain, Caligula, en robe courte de danseuse, des fleurs sur la tête, paraît en ombre chinoise derrière le rideau du fond. Il mime quelques gestes ridicules de danse et s'éclipse. Le spectacle est terminé. Caligula m'a chargé de vous dire qu'il vous faisait appeler jusqu'ici pour les affaires de l'État, mais qu'aujourd'hui, il vous avait invité à communier avec lui dans une émotion artistique. Il a ajouté d'ailleurs que celui qui n'aurait pas communié aurait la tête tranchée. Je m'excuse d'insister, mais je dois vous demander si vous avez trouvé que cette danse était belle. Elle était belle, Cosonia. Oh oui, Cosonia. Oh. Et toi, Kerea? C'était du grand art. Parfait. Je vais donc pouvoir en informer Caligula. Et maintenant, il faut faire vite. Restez là tous les deux. Nous serons ce soir une centaine. Attends, restez là. Oui, je voudrais bien partir, moi. Oh, ça sent le mort ici. Ou le mensonge. J'ai dit que cette danse était belle. Bah, elle l'était dans un sens, elle l'était. Qu'y a-t-il? Le savez-vous? L'empereur nous fait appeler. Ah, c'est peut-être pour la danse. Mais quelle danse? Ah, enfin, l'émotion artistique. On m'a dit que Caligula était très malade. Il l'est. Mais qu'a-t-il donc? Par tous les dieux, va-t-il mourir? Je ne crois pas, sa maladie n'est mortelle que pour les autres. Et si nous osons dire? Oui, je te comprends. Mais n'a-t-il pas quelques maladies moins graves et plus avantageuses pour nous? Non, cette maladie-là ne souffre pas la concurrence. Vous permettez, je dois voir Kerea. Caligula est entré depuis un moment et écoute. Caligula souffre de l'estomac, il a vomi du sang. Oh, Dieu tout-puissant! Je fais vœu, s'il se rétablit, de verser 200 000 sesterces au trésor de l'État. Oh, Jupiter, prends ma vie en échange de la sienne. J'accepte ton offrande, Lucius. Je te remercie. Mon trésorier se présentera demain chez toi. Et toi, Cassius, tu ne peux savoir comme je suis ému du même don. Oh, César, il n'est rien que pour toi, je ne donnerai sur l'or. Oh, ceci est trop, Cassius, et je n'ai pas mérité tant d'amour. Non, te dis, j'en suis indigne. Garde, emmenez-le. Va, ami, et souviens-toi que Caligula t'a donné son cœur. Mais où m'emmène-t-il? À la mort, voyons, tu as donné ta vie pour la mienne. Moi, je me sens mieux. Maintenant, je n'ai même plus cet affreux goût de sang dans la bouche. Tu m'as guéri. Es-tu heureux, Cassius, de pouvoir donner ta vie pour un autre? Quand cet autre s'appelle Caligula, me voilà prêt de nouveau pour toutes les fêtes. Je ne veux pas. Mais c'est une plaisanterie. Bientôt, les routes sur la mer seront couvertes de mimosa. Les femmes auront des robes d'étoffe légères. Un grand ciel frais, battant, Cassius. Les sourires de la vie. La vie, mon ami, si tu l'avais assez aimé, tu ne l'aurais pas joué avec ton imprudence. Quand on a perdu, il faut toujours payer. Viens, Cassonia. À propos, il m'est venu une belle pensée que je veux partager avec vous. Mon règne jusqu'ici a été trop heureux. Ni peste universelle, ni religion cruelle, pas même un coup d'État. Bref, rien qui puisse vous faire passer à la postérité. C'est un peu pour cela, voyez-vous, que j'essaie de compenser la prudence du destin. Je veux dire, je ne sais pas si vous m'avez compris. Enfin, c'est moi qui remplace la peste. Voici Kerea, c'est à toi, Cassonia. Caligula est mort. Tu es sûr de ce malheur? Ce n'est pas possible, il a dansé tout à l'heure. Justement, cet effort l'a achevé. Tu ne dis rien, Kerea? C'est un grand malheur, Cassonia. Bien joué, Kerea. Eh bien, c'est raté. N'oublie pas ce que je te dis, Cassonia. N'oublie pas. Est-il malade, Cassonia? Non, ma jolie. Mais ce que tu ignores, c'est que cet homme dort 2 heures toutes les nuits et le reste du temps incapable de reposer erre dans les galeries de son palais. Ce que tu ignores, ce que tu ne t'es jamais demandé, c'est à quoi pense cet être pendant les heures mortelles qui vont du milieu de la nuit autour du soleil Malade, non, il ne l'est pas, à moins que tu n'inventes un nom et des médicaments pour les ulcères dont son âme est couverte. Tu as raison, Ksenia. Nous n'ignorons pas que Caius. Non, vous ne l'ignorez pas, mais comme tous ceux qui n'ont point d'âme, vous ne pouvez supporter ceux qui en ont trop. Trop d'âme, voilà qui est gênant, n'est-ce pas? Alors, on appelle cela maladie, les cuistres sont justifiés et contents. Est-ce que tu as jamais su aimer, Kyria? Nous sommes maintenant trop vieux pour apprendre à le faire, Ksenia. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr que Caligula nous en laissera le temps. Il est vrai. Et j'allais oublier les recommandations de Caligula. Vous savez qu'aujourd'hui est un jour consacré à l'art. D'après le calendrier? Non, d'après Caligula. Il a convoqué quelques poètes. Il leur proposera une composition improvisée sur un sujet donné. Il désire que ceux d'entre vous qui sont poètes y concourent expressément. Il a désigné en particulier le jeune Scipion et Metellus. Mais nous ne sommes pas prêts. Naturellement, il y aura des récompenses. Il y aura aussi des punitions. Vous dire en confidence qu'elles ne sont pas très graves. Tout est prêt? Tout. Faites entrer les poètes. Et les autres? Metellus et Scipion. Sujet, la mort. Délai, une minute. Et qui fera le jury? Moi, cela n'est pas suffisant. Tout à fait suffisant. Est-ce que tu participeras au concours, Caius? C'est inutile. Il y a longtemps que j'ai fait ma composition sur ce sujet. Et où peut-on se la procurer? À ma façon, je la récite tous les jours. Qu'est-ce que j'ai dans la figure qui te déplaise? Je te demande pardon. Je t'en prie, pas d'humilité, surtout pas d'humilité! Toi, tu es déjà difficile à supporter, mais ton humilité... Je continue. C'est l'unique composition que j'ai faite. Mais aussi, elle donne la preuve que je suis le seul artiste que Rome ait connu. Le seul, tu entends, qui met en accord sa pensée et ses actes. C'est seulement une question de pouvoir. En effet, les autres créent par défaut de pouvoir. Moi, je n'ai pas besoin d'une œuvre. Je vis. Alors, vous autres, vous y êtes? Nous y sommes, je crois. Oui, oui. Bon, écoutez-moi bien. Vous allez quitter vos rangs. Je sifflerai. Le premier commencera sa lecture. À mon coup de sifflet, il doit s'arrêter et le second commencer, et ainsi de suite. Le vainqueur, naturellement, sera celui dont la composition n'aura pas été interrompue par le sifflet. Préparez-vous. Il faut de l'organisation en tout, même en art. Mort, quand par delà les rives noires. Les trois parlent quand leur entre. Je t'appelle, ô mort! Lorsque j'étais petit enfant... Non, mais quel rapport l'enfance d'un imbécile peut-elle avoir avec le sujet? Veux-tu me dire où est le rapport? Mais Caius, je n'ai pas fini! Inexorable est le chemin. Absconce et diffuse oraison. Tu n'as pas de tablette, Sylvie? Je n'en ai pas besoin. Voyons. Chasse au bonheur qui fait les êtres purs, ciel où le soleil ruisselle. Fêtes uniques et sauvages, mon délire sans espoir. Arrête, veux-tu? Les autres n'ont pas besoin de concourir. Tu es bien jeune pour connaître les vraies leçons de la mort. J'étais bien jeune pour perdre mon père. Allons, vous autres. Formez vos rangs. Faux poète est une punition trop dure pour mon goût. Je méditais jusqu'ici de vous garder comme alliés. J'imaginais parfois que vous formeriez le dernier carré de mes défenseurs, mais cela est vain. Et je vais vous rejeter parmi mes ennemis. Les poètes sont contre moi, je puis dire que c'est la fin. Sortez en bon ordre. Vous allez défiler devant moi en léchant vos tablettes pour y effacer les traces de vos infamies. Attention! En avant! Et sortez tous! Toi aussi, Scipion. Ne peux-tu me laisser en paix comme le fait maintenant ton père? Ah non, Caius, tout cela est inutile. Je sais déjà que tu as choisi. Laisse-moi. Je vais te laisser, en effet. Car je crois que je t'ai compris. Ni pour toi, ni pour moi qui te ressemble, tant il n'y a plus d'issue. Je vais partir très loin chercher les raisons de tout cela. Adieu, cher Caius. Quand tout sera fini, n'oublie pas que je t'ai aimé. Qu'a-t-il dit? Cela dépasse ton entendement. À quoi penses-tu? À celui-ci.

Césonia, Lucienne Bogard. Keria, Jean Bollot. Hélicon, Hubert Prélier. Scipion, Pierre Reynal. Senectus, Albert Gercourt. Metellus, Charles Lemarchand. Lépidus, Jacques Berlioz. Octavius, Marcel Alba. Patricius, Philippe Ersan. Mereya, Georges Paulet. Mucius, Louis Perdoux. La récitante, André Gire. Prise de son, Roger Fourgeau, assisté de Georges Girard.